D'ailleurs, je dois faire un appel au patron du CAC 40. Pourquoi vous n'investissez pas en Algérie? Je ne comprends pas. C'est le pays qui a le plus une main-d'œuvre qualifiée, un pays très propre avec des infrastructures et très riche d'hydrocarbures, un pays leader dans la région, à côté de deux pays affamés, hein, la pauvre Tunisie. Hein. Nos amis tunisiens, ils ont fait la révolution et ça n'a pas marché, hein, contrairement à l'Algérie. Et nos amis marocains, ils sont toujours au Moyen-Âge. Bien, je pense que vous avez cloué le bec à tout le monde autour de la table. Donc, monsieur Zeribi. Et monsieur, si je vois qu'il y a des femmes bougnoules ici, si vous avez des problèmes dans votre lieu de travail ou à l'extérieur, je suis défenseur des bougnoules. J'ai travaillé à SOS Racisme, touche pas à mon pote, touche pas à mon bougnoule. Donc je peux vous défendre. Mais monsieur Zeribi, est-ce que le terme bougnoule a été inventé pour les Français ou est-ce que c'était l'Algérie française? Écoutez, monsieur, ce sont des mots racistes, d'accord? Vous avez bougnoul, bico, bico, bougnoul, arabe. Et moi, je me définis comme ça. Et je tiens à défendre tous les bougnouls de France. D'accord. Donc pour vous, ça insultait les Français ou les Algériens de France? Comme disait Albert Camus, je t'encule, Algérie, mais tu es à moi. Voilà. J'aime bien citer cet auteur car il était un amoureux de l'Algérie. Il y a Boutarbouche qui veut monter là, j'ai oublié comment il s'appelle. Est-ce que vous connaissez cette écriture hiéroglyphe ou je ne sais pas comment on dit chez vous dans votre jargon. Le mec là qui veut monter qui s'appelle Champi Marmi. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Écoutez, monsieur, moi je n'ai pas le temps avec vos gamineries. Je suis un député de la République qui défend le droit du bougnoul depuis Mais 1983. Donc je ne vais pas épiloguer avec vous, surtout que nos amis marocains, chaque jour qui passe, nos amis marocains n'ont pas connu, n'ont pas de droits démocratiques.